dis-moi. Je veux sentir tes lèvres sur moi. Ta peau humide de fièvre. J'aime ça. Laisse-toi glisser. Découvert tout ça qu'on a désiré à son.